Chapitre 23e. La seconde partie de la représentation fut à peu de choses près à la répétition de ce qu'avait été la première. Au lieu d'avoir le pelage blanc comme Betsy, The Hangman l'avait tout noir, dur et ras. Mais pour la laideur de la physionomie, il ne le cédait en rien à la chienne. Peut-être même cette couleur sombre lui donnait-elle quelque chose de plus horrible encore. Au lieu de lui jeter 50 rats dans l'arène, on lui en offrit 75 et l'on augmenta de 5 minutes le temps du combat. Enfin, il y eut encore une autre différence qui affirma glorieusement la supériorité de The Hangman. Betsy avait paru prendre plaisir à ce combat et elle avait montré un peu de l'ardeur instinctive du chien de chasse. Mais par là, elle s'était abandonnée à une sorte de passion qui avait failli compromettre son succès. The Hangman, au contraire, avait été parfait de méthode et de tenue. Il ne s'était point, comme Betsy, jeté inconsidérément sur les rats. Mais une fois qu'il avait touché le sable de l'arène, il s'était avancé vers eux d'un pas prudent et sûr, les enveloppant par sa marche savante, qui ne leur permettait pas de s'enfuir ou de se dérober en masse. Une fois arrivé à portée de mordre, il avait commencé à faire fonctionner ses terribles mâchoires, lentement mais régulièrement. Chaque coup de croc était la mort de celui qui était atteint, et il avait continué d'avancer ainsi, sans se laisser troubler par les morsures furieuses de ses adversaires, jusqu'au moment où le vide s'était fait autour de lui. Alors, par quelques bonds rapides, il s'était jeté à droite, à gauche, en avant, en arrière, poursuivant son carnage, sans s'interrompre ou se reposer une seconde, sans pousser un cri, sans faire un mouvement inutile. C'était véritablement la perfection mathématique de la boucherie. « 23 minutes 15 secondes !» s'écria Gaston lorsque tous les rats furent tués. Et les applaudissements saluèrent ce cri de triomphe. « Positivement, mon cher, dit M. Deuillat, qui aimait à parler, voilà un sport qui vous fera honneur. On vous doit des remerciements pour son importation en France. » Et le colonel, qui avait demandé sa revanche à Mme de Lucilière, offrit à celle-ci les 2 billets de banque qu'il venait de perdre. Enfin, le moment était venu où il allait pouvoir sans doute interroger le juge d'instruction. Mais ce moment n'arriva pas encore, car pendant longtemps on parla de la qualité des 2 chiens et du talent de leur maître. Comment engager un entretien particulier au milieu de cette discussion générale? Cependant, il parvint à rappeler à Gaston dans quel but il était venu à cette représentation, et celui-ci, qui avait tout oublié au milieu de son triomphe, eut la complaisance de s'arranger pour emmener avec lui, quand tout le monde se retira, M. le Méauté et le colonel. En chemin, on ne parla que des chiens. Mais en arrivant devant sa porte, Gaston offrit au colonel le moyen que celui-ci attendait depuis si longtemps. « Mon ami Chamberlain désire vous demander un renseignement, » dit-il au juge. « Voulez-vous, si cela est possible, l'éclairer et le guider ?» Puis, leur serrant la main, il rentra chez lui. « Vous savez, » dit le colonel, marchant près du juge, « que je m'appelle Chamberlain et que je suis d'origine française. Mon père était parisien. Le jeune homme qu'on a arrêté à propos du vol commis chez M. Amenzaga se nomme aussi Chamberlain. C'est mon cousin, le fils du frère de mon père. Voulez-vous me permettre de vous demander en cette qualité s'il s'élève des charges sérieuses contre ce jeune homme ? » Jusque-là, rien n'aurait pu donner à supposer à quelqu'un qui n'eût pas connu la qualité de M. le Méauté que celui-ci était magistrat. Sa tenue, comme sa conversation, avait été celle des amis de Gaston de Pontperran. Un gentleman, rien de plus, rien de moins. Mais la question du colonel fit apparaître l'homme de la loi. Sa tête se redressa et sa physionomie s'assombrit. « Mais, monsieur le colonel, » dit-il d'une voix grave, « mon Dieu !» interrompit le colonel, « je sais combien ma question est délicate et je comprends qu'elle vous paraisse indiscrète. Je vous demande donc avant tout la permission de l'expliquer. Avant de venir en France, je ne connaissais ma famille parisienne que d'une façon indirecte. J'ai trouvé dans le chef de cette famille un homme de cœur et d'honneur et près de lui une jeune fille charmante. Cette jeune fille, en apprenant l'arrestation de son frère, qui, on ne doit pas l'oublier, a abandonné la maison paternelle depuis plusieurs années, s'est adressée à moi et me représentant quel serait le désespoir dans son père si celui-ci était informé de cette arrestation, elle m'a prié de faire toutes les démarches nécessaires pour prouver l'innocence de son frère, innocence à laquelle elle croit, bien entendu, et pour organiser sa défense. J'ai accepté cette mission et pour commencer à la remplir, j'ai interrogé ce matin Mademoiselle Raphaël, qui m'a donné des détails précis, desquels il paraît résulter que ce jeune homme ne peut pas être coupable. Elle prétend que son amant est resté chez elle depuis 2h45 jusqu'à 8h du matin. Elle prétend de plus que son concierge peut confirmer la vérité de son allégation. S'il en est ainsi, Anatole Chamberlain ne doit pas être complice de ce vol. C'est beaucoup d'avoir obtenu son enseignement, mais ce n'était pas assez pour rassurer ce pauvre père et cette sœur désolée. J'ai voulu plus. Et voilà comment j'ai été amené à vous demander s'il s'élevait des charges contre ce garçon assez sérieuses pour affaiblir et détruire le témoignage de la comédienne ou de son concierge. Mais ce témoignage du concierge, nous ne l'avons pas encore. Et rien ne prouve qu'il confirmera celui de Raphaël. Et puis quand même nous aurions cette confirmation, l'innocence de l'inculpé ne serait pas prouvée, car sans avoir quitté la maison, il peut très bien avoir fait avertir ses complices. Alors il me semble que ce serait à l'accusation de montrer comment cet avertissement aurait été donné. Jusqu'à présent, elle se base, si je suis bien informé, sur ce fait qu'Anatole Chamberlain a été vu s'entretenant vis-à-vis des fenêtres de Raphaël avec un inconnu, et elle part de là pour dire que c'est à cet inconnu qu'il a donné les renseignements au moyen desquels le vol a été commis. À cela, le témoignage de Raphaël répond que quand son amant s'est entretenu avec cet inconnu, il n'était pas encore rentré chez elle, et que par conséquent, il ne pouvait pas savoir si M. Amezaga avait ou n'avait pas gagné la somme qui lui a été volée. Si ce témoignage est confirmé, il me semble que la base de l'accusation s'écroule. Le juge d'instruction resta quelques instants sans répondre et ils marchèrent côte à côte en silence. Ils étaient arrivés devant la Madeleine. M. le Méauté, au lieu de suivre le boulevard, prit une des allées longeant l'église. L'endroit était désert et l'on pouvait s'y entretenir librement. Après avoir fait quelques pas dans la direction de la rue Tronchet, il s'arrêta tout à coup et se tournant vers le colonel. « Vous vous intéressez beaucoup à ce jeune homme ? » demanda-t-il. « À lui, pas du tout. Je ne le connais pas. Et ce que j'ai appris jusqu'ici de sa vie est peu fait pour inspirer la sympathie. Mais je m'intéresse beaucoup à son père et à sa sœur. Eh bien, je peux, si vous le voulez, vous le faire connaître. Et vous comprendrez alors qu'avec un pareil sujet, ces preuves d'innocence dont vous parlez doivent être bien fortes pour qu'on les admette. De sa famille, je ne veux rien dire puisque vous déclarez que le père est un homme d'honneur auquel vous vous intéressez. Que j'estime. Et que je suis tout près d'aimer. Cependant, il y a un fait qui doit être relevé, c'est que ce père de famille est un incorrigible insurgé. Depuis 1830 jusqu'en 1851, il a joué un rôle actif dans toutes les insurrections parisiennes, et depuis que Paris est tranquille, grâce au pouvoir fort qui nous gouverne, il s'est placé à la tête du mouvement ouvrier. On peut même dire qu'il a organisé ce mouvement, ce qui lui a donné une grande autorité sur ses camarades. En un mot, c'est un meneur. Hein ? Sur cela, interrompit le colonel en souriant, je passe condamnation. Seulement, soyez certain que si Antoine Chamberlain mène ses camarades, c'est dans la bonne voie. Ceci est affaire d'appréciation. Ce que je veux dire, c'est que ce père de famille n'a point inspiré à son fils le respect des lois. Il lui a fait donner, il est vrai, une certaine instruction. Mais cette instruction, mal dirigée par celui qui l'a donnée et mal digérée par celui qui la recevait, a produit les plus tristes résultats. Anatole Chamberlain n'est point une brute ou un sot. C'est un homme intelligent qui n'emploie son intelligence qu'à la satisfaction des mauvais instincts qui étaient en lui et des vices qu'il a acquis. Le premier fait relevé à sa charge est une manœuvre de chantage. À 18 ans, il est l'amant d'une femme mariée qui occupe une certaine position dans le commerce parisien et il exploite la faiblesse de cette femme pour se faire écrire des lettres dont il tâche de tirer profit. Vous voyez qu'il est précoce. C'est même cette précocité qui l'a sauvé, car dès cette époque il méritait qu'on l'envoyât en prison. La prison l'eût-elle amendé ? Je ne sais pas. Mais à coup sûr, elle l'eût mis dans l'impossibilité de nuire. Et c'est quelque chose au point de vue social. Après ce beau début, on perd sa trace pendant quelque temps. Puis on le retrouve en relation suivie avec un homme des plus dangereux, un véritable bandit, le Fourrier, qu'on appelle ainsi parce qu'étant au régiment, il a volé la caisse et s'est fait condamner aux travaux forcés. Le Fourrier, qu'on appelle encore grain de sel, parce qu'on ne peut pas le prendre, la Prestance, parce qu'il a une belle tenue, et Coulovray, qui est son vrai nom. Ce Fourrier organisait une sorte de bande composée de jeunes gens auxquels il demande pour tout mérite d'être beau garçon. Le rôle de ces jeunes gens consiste à devenir les amants des cuisinières et des femmes de chambre qui veulent bien se laisser tromper par eux. Une fois introduits dans les maisons, ils observent les habitudes des maîtres, ils volent des clés, ils prennent des empreintes, et un beau jour, la maison est dévalisée, sans effraction, sans assassinat, sans aucune circonstance aggravante par des complices que le fourrier met à l'œuvre. Car pour lui, il ne perd jamais lui-même. Comprenez-vous maintenant combien ses relations avec cet habile voleur donnent de gravité à la liaison d'Anatole avec Raphaël ? Ayant mis la main sur un jeune homme beau, bien bâti, intelligent, brillant, n'est-il pas présumable que le fourrier, au lieu d'en faire l'amant d'une cuisinière, l'a placé auprès d'une femme à la mode, chez laquelle on peut se procurer toutes sortes de renseignements utiles, et sans que j'entre dans les détails de l'instruction de cette affaire, ce qui ne m'est pas possible, ne voyez-vous pas aussi combien la justice doit être circonspecte avec un pareil personnage et ne pas se contenter d'apparence de preuve ? Oui, sans doute. Notez bien que je ne dis pas que le témoignage du concierge n'aura pas son importance, mais enfin c'est à voir et à peser. Pour le moment, il me paraît donc difficile que vous calmiez l'inquiétude de ceux qui vous intéressent, autrement qu'avec le témoignage de Raphaël. Maintenant, je vous promets que s'il survient quelque incident favorable à ce garçon et que je puisse en parler, vous en serez le premier informé. Sur ce mot, le juge d'instruction tendit la main au colonel et se sépara de lui. Mais il avait fait à peine quelques pas qu'il revint. « Vous m'avez parlé d'organiser sa défense, » dit-il, « et je m'aperçois que je ne vous ai pas répondu à ce sujet. Ne vous préoccupez pas de cela, d'abord parce qu'il n'y a rien à faire en ce moment, ensuite parce que M. Anatole a des protecteurs qui ne l'abandonneront pas et qui feront tout pour qu'on le leur rende. » Comme le colonel le regarde avec surprise, « Ceci est, je crains bien, un autre vilain côté du personnage, » dit-il en réponse à ce regard. « Au revoir, colonel. Bonsoir. »